quitter. Mon cœur me fait mal, fait mal, fait mal. Depuis que tu m'as quitté, mon cœur me fait mal, fait mal, fait mal. Oh, Manawen, je pense à toi. Tous les jours, je rêve de toi. J'arrive plus à t'oublier. Mon amour pour toi est tellement trop fort. Je rêve de toi, je rêve de toi. Weni wangu ni swami, kosana ufania. Le ufani nisijuta, majito yanilawa. Me.